1760. Personne n'a rien compris. Ta gueule, moi je suis con. Personne n'a rien compris à ce que t'as dit, parce que c'était aussi clair qu'un verre t'est perdu dans l'infini et dans la mer. Et maintenant je suis en train de l'exploser. Oh oui, comme si c'était un petit poisson d'avril que je mets dans mes aisselles. Comme si c'était la première fois qu'il jouait. Aussi, il faut le dire qu'un Baco n'a jamais tenu une manette. PlayStation 2, à part peut-être y jouer à Metal Gear Solid. Et puis Metal Gear Solid était triste. Il était un peu trop liquide pour Metal Gear Solid liquide. Oh, le jeu de mots, les pour les cerfs-volants. Et c'est un jeu de mots qui rend les gants bêtes. Ah ouais, c'est chouette. Qu'est-ce que je dis de pique de poutrie avec mon infinie puissance magistrale. Arrête, parce que c'est enregistré, on va devoir déposer un droit si tu dis pas ça. Ça enregistre depuis 4 minutes, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, je ne sais plus. J'ai plus la notion du temps depuis que je bois autant que je vis. Oh là, tu as les poumons qui sortent par les trous de nez avec les oreilles, c'est pas chouette. Oh là là, ça va t'abuser. Ça va mieux depuis que je me soigne. Heureusement, je me rase avec de la paille, de la tulipaille. Un peu de phobie, un tulipaille. Un peu de phobie, un tulipaille. Un peu de phobie, un tulipaille. Un peu de phobie. ta doum da doum da doum doum da li doum. As-tu vu pas que le de palmas, enfin des paroles pourries. De palmas, des paroles pourries. Non, mais moi ça fait comme si c'était pourri. C'est toujours mieux que j'ai pas le temps. Faire pipi, des cahiers. Bah ouais, ça va. Pas le choix, faut cahier, pas des sorties, des son lit. Ça y est, il commence à comprendre le truc, l'enculé en fait. Il a compris le truc. Malheureusement. Pas le moins dur. C'est pas marrant. Je souffre, martyr. Martyr. Comme disent les Américains. Comme disent les Américains de la côte ouest de l'Église. Ça parce que je suis black et je viens du Bronx. Hein. Mais ça, c'était un tour de chauffe. Hein. Good for me, good for me, it to do you back. Good for me, it to do you back, good for me. Puis t'es descendu sur ma tête. T'as fait un goût si éphémère. J'étais suicidé en fait donc. Depuis tu m'as laissé un goût si amer. Dans ma vie, je suis un effet éphémère. Je peux plus décoller de ses sols. Baigné dans un si puissant alcool, enivrant qui me colle. Le pire, c'est que tu trouves ça si drôle. Ça drôle. Attends. Donc ça, c'est un coup de chauffe, ça. Pour qu'on se mette dans le bain, là, je crois que ça commence à venir. C'est pas fini. Non, c'est toujours pas fini. C'est pas fini. As-tu oublié? Moi, je m'en défie. Mais surtout, me dis. J'ai la folie, mais ça ne fait pas dire. Parce que j'ai personne d'autre. As-tu l'impact, tu l'es pareil. Good for me, good for me. As-tu l'impact, good for me. As-tu l'impact for me. As-tu l'impact for me. Basculer ta gueule, la puissance, ça sort tout seul le freestyle, mais t'es basculé dans... Et ben moi je me j'ai les oignons qui sont émasculés, moi je me fais évasculer, alors ça c'est pas notre problème hein. C'est le vache hein. Putain Jackson, non si quand même, nous sommes un secret, tu sais. C'est un jet sous les chiots de mer qui se faisait basculer comme un bébé. Mais basculer, pas me basculer. Il avait un ami. Ah bah non, c'est une connaissance, c'est Joël. Qui faisait fêter vers le terre. Te souviens-tu, Joël, comment c'était drôle cette année de notre vie. Quand je te cassais le bras, ou que je te faisais manger du béton, ou que je te faisais couler dans un poteau. Je t'ai masculé là. En secret. Que je te collais ta joue contre un pneu, et que je roulais un sauvin. Ça fait 9 minutes 38, 40 là, il y en a.